j'amasse en cœur. Rancune comme d'autres amasses des liages. Chaque jour mon son est épuré. Chaque griffe tourne et retombe d'elle-même. Je suis en décalage avec le son que j'aime. Animé par la revanche, j'avoue. Et toutes ces leçons que j'ai reçues de la vie, à plus savoir qu'en faire alors qu'en fait on apprend toujours, même dans les tourments. À mon tour, je m'en tourmente. Vite fait, parfois je t'assure que j'aimerais aller braquer, avoir des sables clinquantes, pouvoir chiller avec ma clique. Mais c'est pas comme As, je nique les connasses. Venir mettre des claques sur instrumental, puis tous ces rappeurs qui sont que des calques. Ça canne sec quand B1 débarque, arrive seul ou entouré, même loin de mes tours et de mes sauces. La même rage, à fond dans le son, à fond dans le son. J'ai toujours plus de 100 rancunes, 25 pistes d'âge et souvent la même rengaine. Un rien ringard de répeu sur un instru. Mec, moi j'ai la rage, un truc de fou. Du rap sanglant, sans gants, plus de rancune, B1 pour tout j'ai chant, mon gars. J'amasse un tas de rêves et d'espoir déchus, déçus, car la vie nous rend vide des sous. Toujours plus, tout faire pour s'en procurer. Mais à ce moment-là, la proc s'intéresse à toi, à tes potes. Y'a toujours 2-3 putes qui veulent ce vaisseau après des disputes. Merde, fini, c'est le poste. J'étais qu'un petit, alors moi, peu importe, mais je m'en porte quand même. Avocat commis d'office, y'a une odeur de merde aux fesses. Ah merde, trahi, j'y ai jamais cru, mais bon, comment veux-tu faire fiance, con, quand tes proches sont des fiants, con. Aucune rôle pas, plus des pétasses que Rolka. L'époque de la Rodka où j'ai enchaîné mes rancœurs, mes rancunes. Mine de rien, ça colle à la peau comme des sangsues. J'ai toujours plus de 100 rancunes, 25 pistes d'âge et souvent la même rengaine. Arrière-garde de répeu sur réinstru. Mec, moi j'ai la rage, c'est un truc de fou. Du rap sanglant, sans gants. B1 pour tout, j'ai chant, mon gars. J'amasse à présent beaucoup d'amour et d'amitié pour faire disparaître ma haine qui est pas si loin. Masqué, déjà armé, arqué devant quiconque, représente jusqu'à la mort comme King Kong. C'est dingue, vouloir rester digne pour le style de son clan. Rester clean pour impressionner les gens. Moi-même, je mets des jeans pour entrer dans le rang. Du Finistère à l'Aveyron, et même jusqu'à l'Hérault, ma voix s'exportera comme de l'héroïne. C'est réel pour moi, poser mes mots pêle-mêle sur papier. Je marche pas à pile, mais à l'affectif. Et si je suis d'humeur, je prendrai de l'effet exor. Je suis fixé sur mon sort, vers l'avenir. Sans rancune, mon gars. J'ai toujours plus de sans rancune. 25 visages, souvent la même rengaine. Arrière un garde répeu sur un instru.